conférence qui a pour titre « Comment améliorer sa qualité de vie ». Je me présente, je suis Réal Chaquette, comptable et homme d'affaires. Bonsoir, je suis Martel, éducateur physique et homme d'affaires. Alors, ce soir, vous aurez l'occasion d'entendre des réponses à vos questions, portant entre autres sur la façon d'améliorer votre qualité de vie, mais c'est là d'un point de vue supramental, d'un point de vue neuf. Il ne s'agit pas de mettre vos opinions, vos idées de côté, mais d'inclure au vôtre un point de vue qui peut changer pour le mieux votre qualité de vie. Alors, bonsoir Damien. Bonsoir. J'ai hâte d'entendre ça. J'ai hâte d'entendre ça, ça va être intéressant. C'est ça. La qualité de vie, moi je me rappelle mes parents, puis j'ai regardé vivre un peu mes grands-parents, puis le mode de pensée qu'il y avait dans ce temps-là, qualité de vie, ils ne connaissaient pas ça. Eux, ce qu'ils espéraient, c'est le fait d'avoir un travail, c'était déjà quelque chose, de manger tes 3 pas par jour, d'avoir des enfants pour assurer ta descendance, puis là c'était vraiment le bonheur, c'était le maximum qu'ils pouvaient entrevoir comme qualité de vie, là, si on le transmet dans nos termes à nous. Sauf qu'à partir de maintenant, depuis peut-être 10-15 ans, ça existe le terme qualité de vie. Alors, est-ce que c'est nous qui sommes différents, ou c'est juste une mode? Qu'est-ce que c'est finalement une qualité de vie? Bon, quand tu dis que tes parents, tes grands-parents ou tes arrière-grands-parents n'avaient pas de qualité de vie, c'est pas vrai. Ils avaient une qualité de vie Ils ne savaient pas qu'il y avait une qualité de vie. Ben oui, ils le savaient. Parce que pour eux, une qualité de vie, c'était d'avoir un toit qui ne coule pas trop, ou qui ne coule pas dans le lit, qui coule aux bonnes places. C'était d'avoir un fusil, un peu de poudre sèche. C'était d'avoir un champ avec pas trop de pierres. C'était une qualité de vie. Avoir une terre, c'était une qualité de vie. Avoir des esclaves, il y a de cela longtemps, c'est une qualité de vie. Même pour les esclaves, avoir un maître qui les fouette pas trop, c'était une qualité de vie. Mais là, si on dit ça, ça veut dire que maintenant, on a le téléphone cellulaire, on a le micro-ondes, on a un paquet de choses au niveau technologique qui est beaucoup plus avancé qu'eux n'avaient pas. Est-ce que si on se base juste là-dessus, à ce moment-là, on dit, ben nous, notre qualité de vie est beaucoup meilleure que ce qu'eux avaient? Ou si on est confortable, mais est-ce que notre qualité de vie, à cause de la technologie uniquement, est meilleure, ou bien s'il y a un autre facteur qu'on ne connaît pas? Bon, ça dépend du référentiel. C'est sûr que si on prend un ancêtre et qu'on l'amène aujourd'hui, c'est probable que sa qualité de vie soit totalement finie. Elle ne pourra probablement pas être bonne parce qu'il devra s'adapter et il ne pourra pas s'adapter. Et si toi, tu te transposes à cette époque-là, de fortes chances aussi que tu aies de grandes problématiques à marcher, à te promener, à manger, à vivre. Alors, il faut faire attention. La qualité de vie, c'est quelque chose qui dépend de ta nature, de ton éducation, de ta conception, donc de ce que tu es toi en tant qu'être humain. Et en fonction de ce que tu es en tant qu'être humain, tu auras besoin de certains outils dans ta vie. Que ça veut dire que ça dépend dans l'époque où je vis, entre autres? Ça dépend surtout de ce que tu es. Et tu es ça aujourd'hui. Okay. Donc, tu pourras dire que ça dépend de l'époque, mais c'est faux. Parce que si tu vis dans une adresse temporelle de 2000 ans, tu vas être différent. Et tu vas donc être adapté à l'époque, à part, évidemment, certaines personnes qui, comme moi, puis comme quelques autres, finalement, sont adaptées à peu près à aucune époque. Ils ne sont jamais dans le bon temps. Bon, alors, si on regarde la qualité de vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la qualité de vie devrait refléter les outils que l'être humain a besoin pour être capable de faire, donc d'agir, d'accomplir dans la vie qui sert de référentiel, donc dans ta vie actuellement, par exemple. Et la majorité des personnes ont un collectivisme psychologique tel que leur qualité de vie finit par être collectivisée, c'est-à-dire ça devient une qualité de vie qui devient une mode, et qui fait en sorte que les gens n'ont pas leur qualité de vie. Donc, à un moment donné, moi, je n'ai pas besoin d'avoir une piscine parce que je n'aime pas me baigner, mais parce que tous mes voisins ont une piscine, ben j'ai l'impression que pour améliorer ma qualité de vie, il me faudrait une piscine. Et là, j'achète une piscine. Et là, je paye la piscine. Puis là, ben là, je dois dire à certains de ma famille que je veux pas qu'ils viennent, même si j'ai une piscine. Qu'elle vienne se baigner. Puis après ça, il faut que je nettoie la piscine. Puis j'en voulais pas de piscine. Mais ça manquait à ma qualité de vie, une piscine. Bon, alors, c'est la même chose pour les gens qui, à un moment donné, vont devoir s'acheter des automobiles en fonction de l'extérieur. J'améliore ma qualité de vie, je viens de m'acheter une Corvette. Oui, mais peut-être que... Ça, c'est en fonction de l'image qu'on veut projeter vis-à-vis des autres. Ben, en fonction de, justement, d'une reconnaissance vers l'extérieur. Et là, les gens vont établir un type de qualité de vie. Par exemple, il y en a qui ont des lecteurs vidéo, mais ils n'écoutent jamais de films. Il y en a qui ont des fours à micro-ondes, mais ils ne cuisinent pas avec ça, ils dégèlent. Il y en a qui ont des gros fours à micro-ondes, tout organisé au complet, mais ça n'améliore pas leur qualité de vie, parce qu'ils s'y font rien de plus avec ça. Alors, il y en a qui ont des grandes maisons, ils font plus de ménage. Il y en a qui ont des grandes automobiles, mais ça leur coûte plus cher d'essence. Donc, il y a tout un mélange. Améliorer sa qualité de vie, évidemment, ça va être de recentrer sa vie en fonction de sa nature et de se détacher des besoins collectifs, donc des reconnaissances vers l'extérieur. Donc, ça part de nous. Bon, ben oui. Ben ça, de toute façon... Ben tout devrait partir de nous autres. Oui, c'est hein? Sûr, on devrait oui. Vivre en fonction de nous autres. Ça, il ne faut pas être un grand philosophe, là. Même si tous les grands philosophes l'ont dit. Mais c'est pas pour ça que je l'ai dit, là. Je sais. Tu es grand, mais pas philosophe. C'est ça. Je vais le savoir. La qualité de vie, bon, par rapport à ce que tu mentionnais, que plus tu recules dans le temps, les gens connaissaient, puis aujourd'hui, on a plus de technologies, ce qui ne fait pas nécessairement plus de qualité de vie, mais on peut dire aujourd'hui qu'on a une plus grande qualité de vie. Puis c'est pas à cause de la technologie. On a accès à une plus grande qualité de vie. Mais on ne l'a pas nécessairement. Non, parce que, comme je te dis, tu n'as pas besoin d'aller à la chasse, mais à l'époque, les gens aimaient aller à la chasse. Bon, si on regarde certaines personnes aujourd'hui qui se plaignent que leur territoire de chasse, par exemple, est diminué, mais ils ont rien qu'à aller chez le métro. Leur qualité de vie est totalement tombée. Parce qu'ils ne peuvent plus se payer le luxe de se geler l'hiver pour aller à la chasse. Alors, il faut bien comprendre que la qualité de vie, c'est quelque chose qui permet à l'humain de s'exprimer dans sa nature. Alors, effectivement, si un Inuit, par exemple, veut encore aller à la chasse aux phoques sur la banquise l'hiver, pour nourrir sa famille, la chauffer, la vêtir, au risque qu'il y ait des enfants qui meurent de faim, de froid, etc., au risque qu'ils se perdent à un moment donné, ça fait partie de ta qualité de vie. Lui, il a mis une motoneige, pour certains, ça va améliorer leur qualité de vie, pour d'autres, ça va la diminuer. Bon, le déménager dans un endroit adapté à nos visions, nous, à nos besoins de qualité de vie, ça peut améliorer la qualité de vie de certains Inuits. Ça peut détruire totalement leur qualité de vie. Et là, on va dire, c'est parce qu'ils ne s'adaptent pas, c'est parce qu'ils, etc. Mais c'est simplement parce que ce sont des mondes parallèles. Le terme, bon, sans les autoriser, ce sont des mondes qui ne peuvent pas être juxtaposés immédiatement comme ça, pouf, en disant ça va bien aller. Bon, prends un musulman, tu l'amènes dans un endroit catholique, tu lui dis, bon, ben c'est simple, sois heureux, sois catholique. Oui, c'est vrai. Mais il ne pourra pas. Ben non, mais voilà. C'est ça. Bon, alors c'est la même chose. Alors, il faut faire attention quand on parle de qualité de vie. Notre façon de vivre ne garantit pas une qualité de vie. Il y a des gens ici qui n'ont pas de qualité de vie. Ils ont la société offre... Pour nous, plus de possibilités d'améliorer notre qualité de vie. Maintenant, on devra se servir correctement des outils pour améliorer notre qualité de vie en fonction de ce que nous sommes. Alors, par exemple, pour améliorer sa qualité de vie, on doit exclure toute compétition. Parce que la compétition nécessite nécessairement que vous faites un combat, une course en fonction de l'extérieur. Bon, alors ça peut être une compétition au niveau du nombre de zéros qui suivent le premier chiffre dans mon compte en banque. Hein? Ou d'autres, d'effacer les zéros après le point, enfin oui, c'est bon, en négatif en tout cas. Améliorer ma condition de vie, si je suis en compétition, ça peut être vouloir avoir des vêtements qui vont épater, ça peut être vouloir dire des choses qui vont épater la galerie, mais j'améliore toujours pas ma condition de vie. J'altère ma condition de vie en utilisant des outils qui normalement devraient améliorer ma condition de vie. Et ça, si on regarde l'humain, puis on regarde la société, comment est-ce qu'elle évolue. Il y a quand même un parallèle entre les deux. Là. La société évolue, les humains évoluent. Bien, la société est constituée des humains. C'est ça. Ce qui fait que si les outils qui sont à notre disposition pour améliorer notre qualité de vie évoluent, ça veut dire que si notre qualité ne change pas, c'est que les humains n'évoluent pas, par exemple, au même rythme que la technologie. Bon, il y a un principe qu'on remarque chez l'humain. Habituellement, l'être humain fait le minimum nécessaire pour ne pas tomber. Les humains font rarement plus que ça. Autrement dit, l'humain va commencer à bouger quand il est tout près de s'écraser, là, il commence à bouger. Et normalement, l'humain fait le minimum nécessaire. On fait le minimum nécessaire pour entretenir sa santé. On ne fait pas le maximum, on fait le minimum nécessaire. On fait le minimum nécessaire, souvent, pour entretenir sa joie, son plaisir, son bonheur, son corps, son porte-monnaie. Sa compréhension, par exemple, des principes de la vie. L'humain fait normalement le minimum nécessaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la technologie actuelle n'a pas été conçue par l'humain pour améliorer sa qualité de vie. Elle a été conçue par l'humain pour qu'il ne perde pas, qu'il ne diminue pas sa qualité de vie. Et nous, on pense que ça augmente, mais si on regarde aujourd'hui, les gens n'ont pas plus de temps que ma grand-mère avait de temps. Malgré que ma grand-mère devait repasser, quand elle était jeune, avec un fer, deux, trois fers, là, qui fait, deux qui se fait réchauffer sur le poêle, l'autre qui est très pesant, puis il est bon. Elle devait laver le linge à bras avec un tordeur à main, puis bon. Elle devait laver la vaisselle, bon, il y allait comme ci, comme ça. Et elle devait, des fois, faire sa lessive, c'est-à-dire faire son savon, hein, de là vient l'idée de faire laver la lessive. Et il y a plusieurs choses comme ça. Bon, mon grand-père, quand il était jeune, bon, il devait lui aussi aller trapper. D'ailleurs, moi, je vous parle de quelqu'un qui restait dans les hauteurs, un coin de Rimouski. Et nous avons inventé la machine à laver, la corde mais électrique, la sécheuse. Nous avons inventé le lave-vaisselle. Nous avons inventé les fers à repasser à vapeur. Ça va bien. On a même inventé le nettoyeur qui va le presser pour nous-mêmes. On a même inventé du tissu, finalement, qu'on a même plus besoin de repasser. Ça va pas. On n'a pas beaucoup plus de temps. Mais ça me fait penser souvent, je me dis, si j'avais une Rolls-Royce pour aller travailler, moi, ce qui m'acharne, c'est de me lever tous les matins pour aller travailler de 9h à 5h. Voilà. Je me dis, si j'avais une Rolls-Royce tous les matins, bien, la seule chose, c'est que pour me rendre au travail, je serais beaucoup plus confortable. Mais ça m'éclairerait pareil. Ma qualité de vie ne serait pas nécessairement améliorée parce que je me dis, il faudrait que je me lève tous les matins pareil pour aller travailler. Puis je me considère esclave dans ça. C'est en plein ça. C'est très, très important et pertinent ce que tu viens de dire. Pour plusieurs personnes, améliorer leur qualité de vie, c'est toujours donc dans l'apparat versus l'extérieur et jamais versus ce que tu veux vivre. Bon, alors, améliorer ma qualité de vie veut dire avoir une vie qui va cesser ou qui va être un peu moins un insulte à mon intelligence. Ça veut dire, un, être capable de faire ce que j'aime. Bon, puis il y a des choses qu'on va regarder pour aider à comprendre un peu le principe même de l'amélioration de sa qualité de vie. Mais faire ce que l'on aime. Mais vous savez qu'il y a plein de dictons populaires qui sont finalement des lois psychologiques. Pas des lois implantées par des divinités ou des forces occultes, mais des lois qui sont mis là par l'homme, puis qui restent là parce que l'homme y croit, l'homme s'en sert. Bon, l'une des lois est on ne peut pas toujours faire ce qu'on aime dans la vie. Puis il y a même une loi encore, c'est qu'on peut pas faire ce qu'on aime dans la vie. Et la question, c'est pourquoi? Pourquoi on s'évertue sans arrêt, finalement, à faire ce qu'on n'aime pas? Pourquoi le gars qui est policier aurait préféré être aviateur, l'aviateur a préféré être médecin, puis le médecin aurait préféré être policier? Pourquoi? Ça, ce sont les aléas de la vie. Oui, mais on doit étudier les aléas de la vie. On doit étudier, puis on doit s'arranger pour comprendre. Et à un moment donné, veut pas en étudiant les aléas de la vie. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on vit plus longtemps, donc on a plus de temps pour expérimenter les mécaniques de la vie. Et dans les mécaniques de la vie, ben, on découvre qu'il y a l'homme, qui, c'est le facteur humain. Quand on parle d'homme, on parle de femme et on parle d'enfant, c'est évident. Le facteur humain. Dans toute bonne entreprise humaine, le facteur humain est souvent ce qui vient l'arrêter, la planter. Et il y a des mécaniques. Il y a des mécaniques qu'on doit comprendre. L'être humain est un être qui souvent est colérique. L'être humain est un être qui peut être agressif. Est un être qui est culpabilisable. C'est un être qui peut s'ennuyer. C'est un être qui peut aimer. C'est un être qui peut rire. C'est un être qui peut s'amuser. C'est formidable, s'amuser. Et c'est un être qui peut rêver, désirer. Il peut construire. C'est bon Dieu créer, là, mon Dieu construire. C'est un être qui peut faire plein de choses. Mais c'est aussi un être qui peut détruire, qui peut faire la guerre, qui peut violer, qui peut martyriser, qui peut faire souffrir. Et qui peut aimer ça. Et c'est l'un des rares êtres, d'ailleurs c'est le seul qui, sans raison valable, mais il y a quelques autres animaux qui peuvent le faire avec des raisons différentes, qui peut se suicider. C'est un être qui peut avoir peur. C'est un être qui peut dominer sa peur et devenir courageux. C'est un être qui fait de la philosophie. Et c'est le seul être qui essaie de comprendre, de savoir. Et c'est aussi un être qui a peur de savoir. Et c'est un être qui souvent a peur que les autres sachent et comprennent. Et ça va créer encore des chicanes, des disputes, des guerres. C'est un être complexe. Mais le pire, c'est que dans le monde dans lequel on le place, s'il arrive à s'arranger pour créer une grande cité, ça se peut qu'un tremblement de terre la jette à terre. Ça se peut qu'un ouragan vienne balayer. Ça se peut qu'une épidémie ou une nouvelle maladie passe par là. Ça se peut plein de choses. Ça me fait penser à une autre question, c'est que avec tout ce que décrit de l'humain, c'est pas mal. Changer de planète. Il y a beaucoup de choses qui sont contradictoires dans nous autres. Puis au niveau de la planète, ça a l'air aussi compliqué, là, il y a des remarées, des tremblements de terre. Ça veut dire, est-ce que dans le contexte planétaire actuel, c'est possible d'améliorer notre qualité de vie? Ben oui. Bon. Sinon, il n'y aurait pas de conférence. C'est ça. Enfin, c'est bon. Je vais arrêter, là, j'ai compris. Oui, mais tu t'expliques c'est comment? Ah, oui. C'est comment? Ah oui, c'est vrai, le titre, c'est comment? Franchement, quel intervieweur, non, mais franchement. Bon, une chance que je suis là, hein, parce que sans ça, j'aurais des problèmes. Bon, l'être humain, ça c'est l'être humain. Maintenant, si on regarde le contexte planétaire, il y a d'autres dictons. Les meilleurs partent souvent en premier. Les criminels vivent effectivement souvent mieux, de bien des façons. Les honnêtes citoyens sont ceux sur qui on s'appuie pour grimper. Que ce soit au niveau des gouvernements, que ce soit au niveau des démocraties, que ce soit au niveau des tyrannies. Les personnes qui font le plus de bien sont dans l'histoire souvent reconnues comme ayant été des martyrs à un moment donné. Et si tu veux faire beaucoup de bien, c'est bien que tu sois beaucoup pauvre. C'est bien mal vu sans ça. Sinon, tu as profité, tu as fait du bien, mais ça t'enrichit, quelque chose de pas correct là-dedans. Oui. Si, par exemple, vous avez la possibilité de guérir quelqu'un, vous le guérissez, mais vous demandez 250 000 $ c'est bien mal vu. Mais si vous êtes chirurgien cardiaque, vous l'opérez pour 250 000 $ il n'y a aucun problème. Parce que vous avez étudié pour apprendre. Vous avez perdu du temps de votre jeunesse, vous avez souffert, vous avez étudié, vous avez passé des examens, vous avez été stressé. Alors, on peut vous payer. Mais si c'est un don, franchement, vous êtes pas mal, pas correct. C'est bizarre un peu comme raisonnement, ça, parce que, par exemple, la reine d'Angleterre, elle, la seule chose qu'elle a faite de bien, c'est de venir au monde dans la bonne famille pour être riche. Exact. Alors que quelqu'un qui va travailler fort toute sa vie, lui, va arriver à être riche, mais là, le monde va lui donner beaucoup de mérite. Tandis que la reine, elle, la seule chose qu'elle a faite, c'est de venir au monde dans la bonne famille. Bonne place. Oui, parce qu'il y a des mécaniques qu'on découvre sur la Terre où il semble que la souffrance soit quelque chose de privilégié et de bienvenu. Mais c'est curieux que ça soit accepté, ça, par la plupart. C'est pas curieux que ça soit accepté, parce que... Non, ce que je veux dire, c'est que c'est curieux que ça soit accepté que la reine... Mais non, c'est pas curieux que ça soit accepté. C'est pas curieux, François, que ça soit accepté. Hein? Non, parce que ça permet aux gens de souffrir. Voilà. Tu disais? C'est bon. Ben, c'est parce que, pour finir, c'est que je disais que c'est bizarre, parce que les gens, c'est pas curieux que les gens considèrent normal que quelqu'un qui a un don, il ne puisse pas en profiter monétairement, alors que l'autre a vu au monde de la bonne famille, puis en profite mais en masse. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a la farce en plus, c'est qu'il y en a certains qui ont le don d'apprendre la médecine, qui ont l'intuition, qui vont devenir de bons médecins. C'est un don. D'autres vont devenir de bons journalistes. D'autres ne le seront pas. Mais si tu as souffert, ça va aller. Puis si c'est quelque chose qui semble que d'autres ne peuvent pas obtenir, là, il faudra pas que tu gagnes ta vie avec ça. C'est même mieux que tu souffres. Daniel, dans ce contexte-là... Le frère André, c'est ce qui lui est arrivé. C'était bon qu'il souffre et qu'il soit malade. Ben, c'est oui, c'est bien correct. Mais dans ce contexte-là, où ce que tu décris, est-ce que la question de Réal, elle devient plus pertinente? Est-ce qu'on peut améliorer sa qualité de vie? Est-ce que... Je suis pas sûr. Mais je sais, mais c'est normal. Tu vas plus t'asseoir là-bas, si tu veux. Mais je vais vous expliquer comment on peut. Oui. Sauf qu'il faut comprendre des mécaniques avant. Il faut comprendre certaines choses. Il faut comprendre des... Il faut observer. Quand je dis observer, ça veut dire pas juste lire. Quand on va lire un livre ou qu'on écoute une conférence comme ce soir, par exemple, c'est pas de la vérité pure, ils vont pas avec ça. Parce que vous êtes chacun dans votre monde. Donc, on communique présentement. On fait une interférence, on communique entre nous. Quand vous écoutez un film ou vous regardez un film, c'est la même chose. Ce qui se passe dans le film, c'est pas dans votre monde, mais ça peut vous apprendre des choses. Ça peut vous toucher aussi. Il y a des communications qui vont se faire. C'est la même chose entre les êtres humains. On doit filtrer, parce qu'on ne peut pas prendre quelque chose du monde de quelqu'un puis dire « je vais faire la même chose ». On ne peut pas. Mais on peut avoir ça peut aider, ça peut nous aiguiller, ça peut rafraîchir des connaissances chez nous. On doit rester autonome au niveau de sa conscience, c'est important. D'ailleurs, c'est sine qua non, c'est essentiel pour parvenir à améliorer sa qualité de vie de toute façon, ou simplement à vivre en tant qu'être humain. Sinon, on vit plutôt en tant que collectivité humaine. Et on devra travailler en collectivité, mais avoir une conscience individuelle. Il y a des besoins. Ces besoins-là doivent être comblés. Et l'amélioration de la qualité de vie permet de combler nos besoins. Si vous n'avez plus de besoins, vous avez une qualité de vie optimum. Et il y a des désirs. Et on sépare. Les désirs, ce sont toujours des besoins mal compris et exprimés d'une façon plus émotive. Mais quand je parle de besoins, pour la majorité des personnes, les besoins vont être mangés. C'est vrai. Mais remarquez que pour certains, manger n'est pas un besoin fondamental. C'est un désir fondamental. Alors, c'est plus un besoin, manger. Ça peut devenir un désir. Ils aiment manger, mais pas pour se nourrir, ils vivent pour manger. Ils ne mangent plus pour vivre. On va dire par exemple, se vêtir, avoir un toit, donc se loger. Ce sont trois besoins fondamentaux reconnus normalement quand on parle des besoins fondamentaux. Moi, ce que je dis, c'est que ça, ce sont des besoins qui peuvent vous faire des désirs. Et il y a aussi d'autres besoins fondamentaux, aussi importants. Et là, pour plusieurs, c'est difficile à comprendre. D'ailleurs, vous voyez, ça commence déjà. Pour être certain, là, au niveau du désir, par exemple, tu parles du logement, qui est un besoin. L'exemple de la piscine, tantôt, là, toi, tu n'aimes pas Le logement est devenu un désir. OK. Simplement par collectiviste ou pour... Ce n'est pas un besoin. OK. Maintenant, pour une personne ici dans la salle, ça se peut qu'une habitation de 15 appartements avec un gymnase, une bibliothèque à part, un bureau, une salle de travail, avec une piscine intérieure, soit un besoin et non pas un désir. Et là, on parle de grand logement. Au moins un 4,5. Dans ton cas, oui. La piscine, ce sera le bain. Puis on va retrouver finalement les mêmes morceaux. Mais ce sera un besoin qui sera adapté à toi. Si on dit voyager autour de la planète, pour plusieurs, et c'est là le problème chez l'humain, on va dire ça, ce sont nos besoins. Maintenant, avoir des enfants, c'est un désir. Dans certains cas, c'est un besoin. Ce n'est pas un désir, c'est un besoin. Et si on dit avoir un micro-ordinateur pour travailler, dans plusieurs cas, c'est un désir. Dans certains cas, c'est un besoin d'ordinateur. Et c'est un besoin aussi essentiel que l'alimentation. Mais pour l'être humain, non. Il en fait une séparation. Il parle de besoins primaires et peut-être qu'il va dire besoins secondaires qui souvent vont avec le désir. Et quelqu'un va dire, oui, mais je peux vivre sans ordinateur. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous ne vivez pas si vous avez comme besoin un ordinateur, mais vous ne vivez pas quand vous n'en avez pas. Comme un informaticien, lui, c'est un besoin essentiel. Il en mange de ça, de l'informatique. Ça peut être un besoin, ça peut être un désir, il faut voir. Mais sinon, dans certains cas, dans plusieurs cas, ça sera un besoin. Il ne pourra pas s'exprimer si il n'y a pas d'ordinateur. Voilà. Ben là, c'est ça, c'est ce que tu es en train de dire, là, c'est que les besoins, finalement, c'est beaucoup plus large que juste survivre. Oui. Ça fait partie de... On vient à la qualité de vie. Ça veut dire pour que je sois vraiment heureux à ce moment-là, il y a des choses que ça me prend. Être heureux, ça veut dire être capable d'être vous autres. Donc, on n'a pas besoin d'artifice pour être heureux. Mais parce qu'on ne comprend pas ce que c'est un besoin, donc ce que c'est une qualité de vie, on s'imagine, donc, on aura des désirs et on aura une vision émotive de certains de nos besoins. Et là, on va aller à la quête de ce bonheur ou de ces désirs, qu'on appellera besoins secondaires, besoins tertiaires. Mais ce sont des besoins. Et quand je dis, vous ne pouvez pas vivre, par exemple, les personnes ici qui ont besoin d'un type d'automobile, c'est un besoin. Et quand je parle besoin, je ne parle pas que vous êtes pogné. Ça peut être un désir aussi. On peut être très, très, très pris par un désir. Je dis que pour vous, pour être vous autres ici sur la planète Terre fin 20e siècle, il vous faut de la nourriture, tel type de corps physique, un toit, mais tel type d'encadrement, bon, une maison avec une serre, avec une volière. Bon, mais pour vous, c'est un besoin. Pourquoi c'est un besoin? C'est parce que vous pouvez être vous lorsque vous avez ce contexte-là. Si je vous dis, par exemple, bon, je vais vous nourrir avec du spaghetti sèche, avec un croquet, et pendant un an, et vous allez continuer à vivre. Alors, votre besoin d'alimentation, il est comblé. Oui, vous vivez. Sauf que, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Vivez-vous. Et quelqu'un va dire, oui, mais si j'ai, par exemple, disons, seulement accès à McDonald's, c'est quand même mieux. Et là, je vais vivre physiquement. Mais votre vie a quelle valeur? Alors, si, par exemple, l'humain, si vous êtes que des corps physiques, c'est vrai que ça va se limiter à manger, dormir, puis pouvoir s'abrier, avoir un toit. Ça peut être une grotte, ça peut être un toit en chambre, ouais, c'est pour se protéger des intempéries. Si vous êtes plus qu'un corps physique, ça inclut dans ce qu'on est. Et là, au lieu de penser que nos besoins sont les trois premiers, puis le reste, les choses que j'aimerais avoir, à un moment donné, c'est pas vrai. Il y a des choses que vous devriez avoir. Mais la démarche est totalement différente au niveau d'être humain. Et surtout, ce qui va arriver, c'est que si vous avez parmi les besoins, les vrais besoins, donc les besoins, si ces besoins-là ne sont pas compris clairement chez l'humain et transférés en désir, Bien, il va arriver un moment donné où vous allez combler le besoin, et parce que vous êtes en mode désir, vous allez surcombler le besoin. Et en surcomblant un besoin, on finit par détruire l'harmonie que ce besoin-là comblé peut apporter. Exemple, vous avez besoin de 50 000 $ par année présentement. Et si vous avez ça, vous êtes comblé. Si ça devient un désir, le désir peut être sous-tendu par l'insécurité financière, par la jalousie inconsciente, la jalousie consciente, par le désir d'avoir de la matière. Enfin, il y a plusieurs choses. Ça peut être un besoin chez vous, mais il est transféré en désir. Émotivement, vous aimeriez avoir 50 000 par année, ça vous donne l'impression pour y améliorer votre qualité de vie. La problématique, c'est que quand vous allez avoir atteint 50 000, vous allez continuer à vouloir avoir 55, 60, 70, 75. Et là, ce qui arrive, c'est que au lieu d'avoir atteint, d'avoir comblé un besoin avec 50 000, si le besoin 50 000 est comblé, vous allez automatiquement avoir plus de temps. Parce que la richesse, on va parler à la prochaine conférence, mais la richesse, ça inclut implicitement le temps et l'argent. L'un ne va pas sans l'autre. Mais et quelqu'un qui est arrivé à gagner 50 000 $ il n'a pas nécessairement plus de temps. Quelqu'un qui passe d'un emploi de 30 000 qui gagne maintenant 50 000 dans son emploi, il n'a pas plus de temps. Bon, si ton besoin était de 50 000, quand tu l'atteins, tu as plus de temps. Si ton besoin était transféré en désir, quand tu as 50 000, tu as plus de temps. Et parce que tu as plus de temps et que c'est un désir, tu vas aller chercher 55 000, 60 000. Et là, le temps que tu as, tu l'utilises pour aller chercher plus d'argent. Tu deviens surcomblé et cet argent-là ne t'amène plus de temps. Et c'est là que tu deviens déstabilisé, l'harmonie qui a tendance à se créer par l'amélioration de ta qualité de vie, c'est-à-dire par des besoins comblés. Bon, ça veut celui dire... qui gagne 30 000, qui monte à 50 000, si son besoin était de 30 000 ou de 32 000, il n'aura pas plus de temps. Ça veut dire que du moment qu'on a comblé un besoin et qu'on surcomble le besoin, toutes les lois qui permettent d'améliorer la qualité de vie deviennent fausses. Si on vous dit, par exemple, pour améliorer votre santé, vous devriez faire un peu plus de sport, parfait, vous commencez à en faire, à un moment donné, ça se transpose en désir et non plus en besoin, puis à un moment donné, vous en faites trop. Bien, vous allez avoir aussi des maladies qui vont être liées à un exercice sportif ou une perte de temps ou un problème familial parce que vous êtes toujours en train de faire du sport. Et on doit évidemment être capable d'évaluer ses besoins. Mais ça veut dire que présentement, là, dans le contexte où on est, la plupart des gens qui travaillent dans le milieu des affaires, plus ils sont dans des postes élevés, plus ils gagnent un salaire élevé, mais moins ils ont de temps. Ça veut dire que dans la majorité des cas, c'est des désirs qu'ils amenaient là et non pas un besoin. C'est évident. Moi, je suis, par exemple, travailleur... Est-ce que quelqu'un peut avoir un besoin de vouloir être en affaires et d'être président d'une compagnie? Est-ce que ça peut être un besoin, ça, ou bien c'est nécessairement un désir? Non, ça peut être un besoin. Sauf qu'il y a un moment donné où les besoins sont comblés et les besoins se comblent plus facilement qu'on pense. On peut plus facilement qu'on pense améliorer sa qualité de vie. La problématique, c'est que si vous avez 28 besoins à combler, et quand vous commencez à en surcombler deux ou trois ou quatre parce que vous les perceviez comme des désirs, ça déstabilise toute la mécanique au complet.